Ah, il disait deux secondes, mais c'est... Et je crois, j'ai entendu ça à France Bleu, à partir de ça... Ça coupe les pattes. Ça coupe les pattes, hein. Putain, non. Ah, vous voyez, ça fait pas beaucoup de bruit, hein. Ah oui, ils sont perdus. Ouais. Et les pigeons qui étaient au-dessus, ça. Ouais. Non, ils étaient en face. Ah, ça devient pété quand même. Putain, c'est pas croyable. Putain, je suis curieux. Et je vous disais, pour votre info, je crois que cet après-midi, à partir de 16h jusqu'à 19h, je crois qu'on peut s'approcher, enfin, pas rentrer dans le travail. D'accord. Le travail, il doit y en avoir un volume. Oui, mais venir voir... À la, en limite, ouais. En limite, où il y a la boulangerie. D'accord. Et je vais tâcher d'y venir, moi. Ouais. Mais c'est à partir de 16h. Ok. On verra peut-être. Bah, je verrai peut-être. Je viendrai peut-être cet après-midi. S'ils ont remis le tram, je viendrai. Oui. Ah ouais. À partir de 16h jusqu'à... Et puis, d'accord. Peut-être un petit peu demain, mais... Parce que le... Ouais, vous allez venir. Fondue... Ah bah, je suis. Emmanuel, vous allez venir cet après-midi voir. Apparemment, on peut venir voir. Je suis voir. À côté, moi. Bah j'ai ouais. Quand t'es à côté. Ouais. Et j'ai entendu ça. Va ça. Ouais, ouais. Mais... Voilà, ouais. Un espace, ça y est. Et moi, j'avais compris qu'il faisait en trois fois. Il ouais, non, boum, boum, mais vous boum. Avez vu, il y a eu un temps entre voilà, le, ouais. le la première explosion et en fait on regardait le bâtiment, il ouais. se passait rien. Ouais. Vous avez pas ressenti. Parce que moi je me suis ouais. dit mais qu'est-ce qui se passe ? Ça a, pété ça a fait ouais. boum ouais. et après. Ils avaient dit une seconde, et bah ils sont pas trompés. Ouais. Mais c'est ça. J'en ai des pattes qui tremblent. Ah ben bah, hein ça va ouais. Bah, ouais. C'est non, bah, et puis plus rien. Putain ouais. Efficace. Ah oui, là... Je pensais que ça bien. Aurait soulevé de la voilà, poussière ouais, beaucoup ouais, plus. Ouais, ouais. Et en fait, on a vu un petit peu là, de poussière, mais... En ce moment, dans l'air, il y a pas mal d'humidité, alors c'est pour ça que ça la colle. Ouais, mais enfin, ouais. oui, mais enfin, ça, quand il y a... Les pattes qui tombent. Ah bah oui ça, bah, le, ça résonne ouais, quand même. Ouais. Moi, ça m'a fait ouais. une résonance... Enfin, l'explosion, ouais, là, ouais, voilà, il y a un peu de... Il faut souffler. Impressionnant! J'imaginais pas ça du tout comme ça. Il va faire plus de jour chez les voisins. Oh la vache! Putain, j'avais dit une seconde et demie. Ah, non. Bah, c'est ça. Une seconde et demie, c'est ça. Ah, bah, faut que je revienne cet après-midi. Ah, bah, on va revenir. Faut revenir ouais, à 16h. Ouais, ouais. Je vais essayer de revenir à 16h. C'est à partir de. J'ai entendu ça. Franchement, c'est hier ou avant-hier. Ils parlent de faire. Ouais. Pas une visite, parce qu'ils vont mettre des barrières, puis il va y avoir ça. Ah, du fric, hein, tout va pas. Ouais, bah, bonne journée à vous. Oui. Non, mais j'avais arrêté juste oh, avant. Non. Et juste quand j'ai rappelé, ah, c'était trop tard. Ça faisait 5 minutes, j'attendais, j'ai dit je vais arrêter un peu. Et... Bon, je verrai à la télé. Il y aura plein ouais, d'images qui ont voilà. été prises, vous, a, bah, vous oui. pourrez avoir d'autres images. Bon, t'auras la photo souvenir pendant 5 minutes. Voilà, là, ouais, ouais, j'ai la tour 17 pendant 5 minutes. Parce que là, on avait le code, mais dans le code de notre bureau, on n'a plus rien. Putain, je n'arrête pas de... Mais oui, pas c'est, seul, ouais, c'est ça, ça va ouais, ouais, vous vous sentez bien ouais, oui, ça va aller bien. Non, non, ouais. Ouais. J'ai fait des photos. Ah, oui, bah, ouais, j'ai fait vous l'avez vu en train de descendre, là, non là, oui, mais en train de descendre. Là, juste avant,